Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Ne pleurez pas tout de suite. Il y a de très fines particules microbiennes qui volettent. Tâchez de les éviter. Chacun ses responsabilités. La compagnie décline toute responsabilité de maladie mortelle. Reprenez des biscottes, elles sont illimitées et gratuites. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Ne pleurez pas tout de suite. Chacun ses responsabilités. Reprenez des biscottes. Elles sont gratuites. Ha ha ha!